Bzz, baisse le biz, hein. En direct de tes oreilles, moucheron. Banzou, 1-3-4-0-0. Moucheron. Pas ici, passons. En bas ici, on baisse le son. Je reprends du poil de l'insecte. C'est ça. Mon burka à la prod. L'adjoint aux manettes. Kamikaze, Toto. Kazano Kinai. L'ST, Napo, Alain Aquino, Sir Marcos, AMCK, Dissipa. Je veux m'asseoir sur le trône, va voir là-bas si j'y suis. À l'heure où j'envoie des missiles, j'emploie des sang-froid des vikings. Je connais des endroits des victimes, côtoie des endroits où l'urine. En bombe en bas, au bruit du peuple retentit au fin fond des abîmes. Et au fond ça m'abîme, mais je suis obligé parce qu'au fond ça m'habite. La zik c'est mon refuge ou en fait ça m'abrite. Donc pour ça je reste habile, je te fourre ça c'est magique. Pas court toi, court toi, je côtoie la mort sans couloir. Ouais, pars vite, sournois et l'artiste. Organise un tournoi, on arrive. Soul pas on m'a dit, touche pas, goûte pas, chlouf pas ta narine. Bah ouais, j'suis pas un schlag, j'présente les tours, moi la famille. Mais trop flemma, faut que j'cours, moi faut que j'm'active. J'suis lourd, moi faut que j'arrive. Flow fort et faillite. Mes punchs c'est des bastos, j'ai caché un calibre. Faut que j'sorte de fin faillite, restez branché, j'vais fâcher l'impoli. Y'attends, j'ai rage, rage, et jase et blaze et reste docile. Si faut clasher, j'clasherai, sachez que là j'ai la rage comme pas possible. Ça part de moi dans le rap, pareil que j'suis simple et cinglé. Compare-moi à une enveloppe, j'suis fait et t'aimerais. J'ai faim, j'vais flinguer. On m'a dit trinque, j'ai trinqué. On m'a dit c'est bien, veux-tu faire mieux, j'réponds. Yes, I'm ok. Ça part de moi dans le rap, pareil que j'suis simple et cinglé, compare-moi à une enveloppe. J'suis fait et t'aimerais, j'ai faim, j'vais flinguer. On m'a dit trinque, j'ai trinqué. On m'a dit c'est bien, veux-tu faire mieux, j'réponds. Yes, I'm ok. J'voulais rebâtir ma vie, mais je ne trouve pas le bon ciment. Alors j'écris des mots immenses, j'suis pas sur le bon continent. C'est lassinant, j'écris des trucs facilement. Ils me trouvent tous fascinants. Facile, ma face fait rire, mon phrase est pire, j'arrive, c'est imminent. Y'en a qui m'imitent, m'imitant, font ça si finement. Vole le mérime, s'initiant, s'initie, petit insignifiant. Bah ouais, faut que j'récupe mes droits d'auteur. Ton rap pue la merde, va récupérer tes droits d'auteur. J'vis dans un film d'horreur. Big up les petits, sont trop à l'affût. S'ils doivent te prendre, ce sera pas en photo, mais par le cul. Désolé si j'parle cru. Allez, promis, j'en parle plus. Et puis merde, que j'en ai à foutre après tout ce qu'on a vécu. Et ça fait 1 pour la rue, 2 pour mon cul, 3 pour le tien. 4 à 4 pattes, je le mets, je me mets bien. 5 pour les zinc, zinc, on est dingue. 6 les sista et les miss. 5 qui se respectent, 8 celles qui écartent les cuisses. Et puis, moi je trouve un sérum contre cette maladie. La jalousie, celle qui fait que je suis froid et aigri. J'perds du poids, j'ai maigri. Souvent je poigne le mépris. Pourtant, je reste le meilleur médecin qui soigne ses écrits. Ça parle de moi dans le rap, pareil que je suis simple et cinglé. Compare-moi à une enveloppe, je suis fait et t'aimerais. J'ai faim, je vais flinguer. On m'a dit trinque, j'ai trinqué. On m'a dit c'est bien, veux-tu faire mieux, je réponds. Yes, I'm ok. Ça parle de moi dans le rap, pareil que je suis simple et cinglé. Compare-moi à une enveloppe, je suis fait et t'aimerais. J'ai faim, je vais flinguer. On m'a dit trinque, j'ai trinqué. On m'a dit c'est bien, veux-tu faire mieux, je réponds. Yes, I'm ok. Je veux faire un bond dans le top 10, mouche, Marcy plus l'ami. Je viens faire taire ceux qui disent que le rap de Marcy plus l'ami. J'en ai marre, j'écris la nuit avec mes scarla dans la tête. Big up Carla, on la baise. Les et Carla dans la caisse. Épargne-moi ton manège. Là, je suis faya, je suis à l'aise. Laisse-moi avec mes moucherons, mes pocherons, mon pochon qu'on s'apaise. Par ici passons, par ici passons. Je vis ma vie à fond. Imagine la bombe, dynamite à blonde, enfoiré de moucherons. Ta meuf a kiffé, poteau, j'en jette, c'est sans rancune. T'as devant toi, monsieur mouche, gogo gadget à la plume. Des gobiens, j'en ai eu qu'une. J'attends les 10 du dicton. Puis choisis l'une d'entre elles, je pars loin, lui faire une ribambelle de petits moucherons. L'autre l'a dit, on faisant n'importe quoi, on devient n'importe qui. T'inquiète, la famille, je suis un grand gaillard comme Rémi. Je rêve d'un gaillard d'Auvergne, d'une villa pour ma mère, espèce de sgay. T'es la cerise sur le gâteau, j'suis la beurre dans le space cake. Babé, j'vais leur cabrer sur la tête. Les braquer dans mes textes, les charcler dans mes thèses. J'aime trop chambrer sur ma mère, chanter sous la verte, danser foutre la merde et me faire tchouper sous la couette. J'vais shooter vous la mettre, vas-y goûte mon breuvage. Pas de doute, ça soulage, j'suis dans le move, grave te casse. J'ai le groove, grave tenace. Mon style simple frappe tes races, mon coup grève frappe tes crasses. C'est mon tour, j'flingue, j'me lâche, t'es dit. Dans le refrain, j'te pisse dessus. Le savoir est une arme, à chaque texte, j'te tire dessus. Incul. J'ai pas que le rap c'était mieux avant. Quand tu dis ça tu nous insultes. Fils de pute. Ça part de moi dans le rap, pareil que je suis simple et cinglé. Compare-moi à une enveloppe, je suis fait et t'aimerais. J'ai faim, je vais flinguer. On m'a dit trinque, j'ai trinqué. On m'a dit c'est bien, veux-tu faire mieux, je réponds. Yes, I'm ok. Ça part de moi dans le rap, pareil que je suis simple et cinglé. Compare-moi à une enveloppe, je suis fait et t'aimerais. J'ai faim, je vais flinguer. On m'a dit trinque, j'ai trinqué. On m'a dit c'est bien, veux-tu faire mieux, je réponds. Yes, I'm ok. Beaucoup mis sur moi, ouais, il est chaud la mouche. Il rappe la nuit, le jour aux chiottes et même sous la douche. En short claque, capuche, casquette et même en pantoufle. Si tu veux qu'il s'arrête, dis-lui juste Bella faux mouche. Bah ouais. Il est bizarre l'insecte. Il rappe infecte et se crame la tête. Si tu l'inspectes, des fois il sourit pour faire le temps. Je respecte ceux qui volent pour vivre, pas ceux qui volent pour faire genre. Wesh. Je reviens plus tendu que le string de Nicki Minaj. En mode insomniaque, les cernes m'ont niqué le visage. Wesh. Veni, vidi, vici. Je suis venu, j'ai vu, je vais leur pisser dessus. Je vais vider ma vessie.